Les conséquences d'une fusion-absorption sur le comité social et économique de la société absorbée. La question n'est pas encore clairement tranchée et les propos qui suivent sont donc une analyse personnelle. Comme d'habitude, je vous invite à lire le texte en dessous de cette vidéo pour connaître toutes les actualisations. Avant tout, il faut d'abord comprendre ce qui se passe pour l'employeur. Au moment de la fusion-acquisition, la société absorbée disparaît et son patrimoine est transféré à la société absorbante. C'est ce que l'on appelle la transmission universelle du patrimoine. De la même manière que lorsqu'une personne physique décède, son patrimoine, qu'on appelle la succession, est transféré à ses héritiers. Le mécanisme de la fusion-absorption est donc, pour les personnes morales, l'équivalent de la succession pour les personnes physiques. Et il faut bien comprendre que la transmission universelle du patrimoine est l'effet le plus important d'une fusion-acquisition, et c'est l'effet le plus recherché dans ce type d'opération. La question que l'on peut se poser ensuite, c'est de savoir ce qu'il advient du comité social et économique de la société absorbée. Le comité social et économique continue-t-il d'exister après la fusion-absorption? Au contraire, est-ce qu'il disparaît automatiquement comme le corollaire, la conséquence nécessairement déduite de la fusion-absorption? Et surtout, qu'advient-il de son patrimoine? Et plus précisément, est-ce qu'il existe une transmission universelle du patrimoine du comité social et économique de la société absorbée au profit du comité social et économique de la société absorbante? Pour tenter de répondre à ces questions, il faut d'abord rappeler que le comité social et économique est doté de la personnalité morale. Le code du travail nous le dit, mais il n'y a même pas besoin du code du travail pour nous le dire, puisque en 1954, la Cour de cassation consacre la théorie de la réalité de la personne morale, et elle le fait précisément pour un comité d'entreprise qui est l'ancêtre du comité social et économique. Cette solution a été confirmée en 1991 et elle n'a jamais été contestée depuis. Le comité social et économique est donc une personne morale qui est indépendante de l'employeur, qui lui aussi est une personne morale. Mais il existe une interdépendance structurelle entre ces deux personnes morales. Lorsque l'employeur franchit le seuil de 11 salariés, il doit mettre en place un comité social et économique. Et si le nombre de salariés devient inférieur à 11, l'employeur peut supprimer le comité social et économique. Donc, en réalité, c'est moins une interdépendance structurelle qui existe entre le comité social et économique et l'employeur, mais c'est plutôt une dépendance structurelle du comité social et économique vis-à-vis de l'employeur. Mais vous voyez déjà poindre l'idée que l'employeur peut parfaitement exister sans comité social et économique. En revanche, la réciproque est beaucoup plus problématique. Comment un comité social et économique pourrait exister si l'employeur disparaît? Cela n'a même aucun sens. En effet, le rôle du comité social et économique, c'est avant tout d'être informé et consulté par l'employeur sur tout ce qui a trait à la vie de l'entreprise. Si l'employeur disparaît, le comité social et économique n'a plus aucune raison d'être. En outre, le comité social et économique est une institution représentative du personnel. Si la collectivité des salariés disparaît, le comité social et économique n'est plus représentatif de rien. Intuitivement, on pressent tout d'abord que la fusion-acquisition fait disparaître la société absorbée et mécaniquement, elle entraîne, comme conséquence inéluctable, la disparition du comité social et économique de la société absorbée. Car il ne fait aucun sens que celui-ci subsiste sans elle. On pressent également, comme corollaire, que la fusion-acquisition opère une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société absorbante et qu'elle opère aussi, pour les mêmes raisons, une transmission universelle du patrimoine du comité social et économique de la société absorbée au profit du comité social et économique de la société absorbante. Quels sont les arguments qui peuvent contrecarrer cette intuition? Quelles sont les règles de droit qui permettraient de penser que le comité social et économique de la société absorbée continue d'avoir une existence juridique après la fusion-acquisition de la société absorbée et que le patrimoine du comité social et économique de la société absorbée n'est pas universellement transféré au comité social et économique de la société absorbante par l'effet de la fusion-acquisition. Deux objections peuvent surgir et elles sont les suivantes. Premièrement, on peut penser qu'il n'y a pas de fusion-acquisition et de transmission universelle du patrimoine sans texte. Or, il existe des textes pour les sociétés, mais aucun pour le comité social et économique. Deuxièmement, il existe un principe en droit des sociétés selon lequel la personne morale survit pour les besoins de sa liquidation. Or, elle ne peut pas survivre sans son patrimoine. Revenons sur la première objection. La transmission universelle du patrimoine est effectivement prévue par différents textes. En particulier, l'article 1844-4 du Code civil évoque l'absorption d'une société et la transmission de son patrimoine. L'article L236-3 du Code de commerce est plus explicite. La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires. L'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 a été créé en 2014. Il évoque lui aussi la fusion des associations et il est similaire à l'article 236-3 du Code de commerce dont il s'inspire. On pourrait donc penser que si un texte le prévoit, en l'absence de texte, la transmission universelle du patrimoine n'est pas possible. À moins que ces textes ne soient que l'illustration particulière d'un principe général. Et c'est précisément ce que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises à propos des associations. Au visa du principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne, la Cour de cassation en déduit que la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute. Si l'on simplifie la phraséologie alambiquée de la Cour de cassation, on aboutit à trois propositions. La dissolution de la personne morale absorbée entraîne la transmission universelle du patrimoine à la personne morale absorbante. Deuxièmement, la transmission universelle du patrimoine s'opère non pas en vertu d'un texte spécial, mais en vertu d'un principe général du droit, un principe non écrit, le principe de l'indissociabilité du patrimoine et de la personne. D'ailleurs, on admettait l'existence des fusions-acquisitions en droit des sociétés et la transmission universelle du patrimoine avant la loi de 1966 qui est devenue l'article L236.3 du Code de commerce. Et avant l'article 1844-4 du Code civil qui a été modifié en ce sens par une loi de 1978. Et la jurisprudence qui vient d'être rappelée concernait la fusion des associations et la transmission universelle de leur patrimoine. Or, cette jurisprudence est antérieure à l'article 9 bis de la loi de 1901 qui prévoit désormais la fusion des associations et qui a été créée en 2014. Par conséquent, la première objection, selon laquelle il n'y a pas de fusion et de transmission universelle du patrimoine sans texte, ne résiste pas à l'examen. Reste à examiner la deuxième objection, selon laquelle la personne morale survit pour les besoins de sa liquidation. Lorsqu'une personne morale disparaît, elle est juridiquement dissoute puis liquidée. Le texte général en la matière est l'article 1844-8 du Code civil qui énonce « La dissolution de la société entraîne sa liquidation. La personne morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. » Et cette règle, elle vaut pour toutes les personnes morales, les sociétés, les associations de la loi de 1901 et les comités sociaux et économiques. Or, comme on l'a vu, la personne morale et son patrimoine sont indissociables. Donc, pendant la liquidation, la personne morale subsiste. Elle reste titulaire de son patrimoine. Celui-ci ne peut donc pas faire l'objet d'une transmission universelle tant que dure la liquidation. Sinon, cela reviendrait à admettre l'existence d'une personne morale sans patrimoine, ce qui est une hérésie juridique. Pour l'employeur, qui est une société, cet obstacle n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il est expressément écarté par l'article L236.3 du Code de commerce qui énonce, je le rappelle, que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société. S'il n'y a pas de liquidation, il n'y a pas de survie de la personne morale, donc la transmission universelle du patrimoine peut s'opérer. Pour une association, l'obstacle n'existe pas non plus. L'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 le dit expressément. La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations. En résumé, dans le cadre d'une fusion-acquisition, il y a juste une dissolution, il n'y a pas de liquidation, donc il n'y a pas de survie de la personne morale, et donc la transmission universelle du patrimoine s'opère dès la dissolution. Qu'en est-il pour le comité social et économique de la société absorbée ? Il y a deux manières d'envisager les choses. Il y a ce que l'on pourrait appeler l'approche dissociative et l'approche associative. Que faut-il entendre par là ? La première approche consiste à insister sur le fait que l'employeur et le comité social et économique sont deux personnes morales distinctes. On peut donc adopter une démarche dissociative et considérer que le sort de l'employeur n'est pas identique à celui du comité social et économique. Pour l'employeur, la fusion-acquisition opère dissolution sans liquidation de la société absorbée et donc transmission universelle du patrimoine au profit de la société absorbante. Mais les effets de la fusion-acquisition sont limités à la personne morale de l'employeur. Le sort du comité social et économique, lui, serait classique. La fusion-acquisition entraîne la disparition de l'employeur, Le comité social et économique n'a plus aucune raison d'être. Il doit donc être dissous puis liquidé. Et tant que durent les opérations de liquidation, le comité social et économique garde sa personnalité morale et son patrimoine. La transmission universelle du patrimoine du comité social et économique ne peut donc pas encore s'opérer. La deuxième approche consiste à insister sur le fait que, même si l'employeur et le comité social et économique sont deux personnes morales distinctes, il existe une interdépendance structurelle entre l'employeur et le comité social et économique. Et le sort du comité social et économique est indissociable de celui de l'employeur. Ces deux approches sont diamétralement opposées. Reste à savoir de quel côté la balance va peser. Avant de le déterminer, il faut faire une digression car elle est éclairante. En droit des obligations, on connaît parfaitement la théorie de l'interdépendance contractuelle. Elle a même été consacrée par la réforme du droit des obligations à l'article 1186, mais elle avait été reconnue depuis longtemps par la Cour de cassation. L'existence d'un contrat peut parfaitement être subordonnée au sort d'un autre contrat, au point que si le contrat principal disparaît, l'autre contrat disparaît également. Et c'est ce que nous dit désormais l'article 1186 du Code civil depuis 2016. Mais en droit des sociétés, on ne connaît pas encore l'interdépendance des personnes morales parce qu'on a mis un siècle à conceptualiser le principe de l'autonomie de la personne morale. Et autant vous dire que ça a été difficile et que ça s'est fait dans la douleur. Si cela vous intéresse, l'ouvrage de référence dans la matière, c'est celui de Léon Michoux, « La théorie de la personne morale » qui date de 1906. Mais il faut bien se rendre compte qu'il a fallu plus d'un siècle pour admettre ce principe qui constitue désormais un véritable dogme en droit des sociétés. On accepte de soulever le voile de la personnalité morale que dans des cas très particuliers, tant ils sont choquants et frauduleux. Il est donc encore trop tôt pour concevoir que l'existence d'une personne morale pourrait dépendre de l'existence d'une autre personne morale. Et pourtant, le droit du travail, à travers le comité social et économique et l'employeur, nous donne peut-être l'exemple parfait d'une interdépendance entre deux personnes morales distinctes. Si l'on transpose en droit des sociétés la solution éculée du droit des obligations, et rien, absolument rien ne s'y oppose, on parvient alors à cette idée très simple que, dans une fusion-acquisition, la dissolution sans liquidation de l'employeur entraîne nécessairement, en raison de leur interdépendance, la dissolution sans liquidation du comité social et économique de la société absorbée. Donc, pour résumer, deux approches s'opposent quant au sort du comité social et économique de la société absorbée lors d'une fusion-acquisition de l'employeur. Dans l'approche dissociative, on met l'accent sur le fait que l'employeur et le comité social et économique sont deux personnes morales distinctes et qu'elles ont des destins différents. Dans l'approche associative, on met l'accent sur le fait que, bien que distinctes, les personnes morales de l'employeur et du comité social et économique sont interdépendantes et elles ont un sort commun. Que disent le Code du travail et la jurisprudence sur ce point? À vrai dire, pas grand-chose, mais peut-être suffisamment pour que l'on penche vers l'approche associative. Le Code du travail n'évoque jamais les fusions-acquisitions. Mais en droit du travail, il existe un mécanisme archi-connu qui est celui du transfert d'une entité économique autonome. C'est le fameux article L1224.1 du Code du travail, qui était anciennement l'article 122.12, et qui prévoit le transfert des contrats de travail en cas de transfert d'une entité économique autonome. Or, une fusion-absorption, c'est précisément le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article 1224.1 du Code du travail. D'ailleurs, dans le cadre d'une fusion-acquisition, tous les salariés de la société absorbée voient leur contrat de travail transféré à la société absorbante. Si le Code du travail ne connaît pas les fusions-acquisitions, en revanche, il prévoit le sort des institutions représentatives du personnel dans le cas du transfert d'une entité économique autonome. Le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l'entreprise conserve son autonomie juridique. Le mandat des membres élus du comité social et économique subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Et pour le comité social et économique central, le Code du travail nous dit encore plus clairement qu'il demeure en fonction si l'entreprise conserve son autonomie juridique. À l'inverse, si l'entité économique perd son autonomie juridique, ce qui est le cas dans le cadre d'une fusion-acquisition, les mandats des membres du comité social et économique prennent automatiquement fin. Et si le mandat des membres du comité social et économique prend fin, avec eux, le comité social et économique disparaît. Parce qu'un comité social et économique sans membres, c'est comme une société sans associés. Ça n'a aucun sens. Donc la théorie dissociative, selon laquelle l'employeur et le comité social et économique sont deux personnes morales distinctes et que le sort de l'un n'est pas indissociable du sort de l'autre, cette théorie dissociative, elle est démentie par les dispositions du Code du travail. Que nous dit la jurisprudence? Pour l'instant, elle n'est pas très fournie. Pour le Conseil d'État, la perte d'autonomie juridique de l'entreprise transférée découle nécessairement de la fusion-absorption. Pour la Cour de cassation, pendant longtemps, elle ne raisonnait pas en termes de personnalité morale, de disparition de la personnalité morale. Pourquoi ? Parce que la Chambre sociale a élaboré des constructions jurisprudentielles sur l'entité économique autonome pour lesquels le concept de personne morale n'est pas forcément opératoire. Mais un arrêt de 2015 vient semer le doute. Examinons-le plus attentivement. Un comité social et économique engage une action contre l'employeur. L'employeur est absorbé par une autre société. Le comité social de la société absorbée souhaite poursuivre l'action qu'il avait engagée avant la fusion-absorption en la dirigeant désormais contre la société absorbante qui est devenue le nouvel employeur. La Cour d'appel l'admet en se fondant sur l'article 1844-8 du Code civil au motif que le comité social et économique de la société absorbée survit pour les besoins de sa liquidation. La Cour d'appel raisonne donc selon la théorie dissociative. La société absorbée disparaît par l'effet de la fusion-acquisition, ce qui explique que l'action est dirigée contre la société absorbante, mais le comité social et économique de la société absorbée continue d'avoir une existence juridique pour les besoins de sa liquidation et l'action en justice qu'il a intentée fait partie de son patrimoine et c'est la raison pour laquelle il peut la poursuivre. La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel et lui reproche de ne pas avoir recherché si l'action en justice du comité social et économique de la société absorbée n'avait pas été transférée lorsque la transmission universelle de son patrimoine s'était opérée au profit du comité social et économique de la société absorbante. L'arrêt est délicat à interpréter puisqu'il s'agit d'une cassation pour défaut de base légale. La solution n'est donc pas catégorique et il appartient à la Cour d'appel de renvoi de rechercher à quel moment l'action en justice a été transférée du comité social et économique de la société absorbée au comité social et économique de la société absorbante. Mais abstraction faite de cette recherche temporelle, l'apport de cet arrêt est triple. Le premier apport de cet arrêt, c'est que la Cour de cassation reconnaît que le comité social et économique de la société absorbée a dévolu son patrimoine au comité social et économique de la société absorbante. Donc, la Cour de cassation admet la transmission universelle du patrimoine entre comités sociaux et économiques. À travers cet arrêt, la Cour de cassation penche ainsi vers la théorie associative qui vient d'être exposée. L'autre apport de cet arrêt, qui mériterait néanmoins d'être confirmé d'une manière plus nette, c'est que la Cour de cassation rejoint le Conseil d'État et que les deux sont enclins à voir dans la disparition de la personne morale de l'employeur le fait générateur de la disparition du comité social et économique. Le dernier rapport de cet arrêt, c'est qu'avec ceux du Conseil d'État, il constitue ainsi les prémices de la reconnaissance de l'interdépendance de deux personnes morales, où l'employeur serait la personne morale principale, sans laquelle la personne morale du comité social et économique ne peut exister. Reste à déterminer un dernier point. La transmission universelle du patrimoine du comité social et économique de la société absorbée au profit du comité social et économique de la société absorbante se réalise-t-elle exactement au même moment que la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société absorbante? Et la réponse à cette question semble être négative. Dans l'arrêt de 2015 que nous venons d'étudier, l'existence d'accords de survie temporaire des mandats des représentants du personnel est évoquée. Et ceci laisse entendre que les sociétés absorbantes et absorbées, ainsi que les institutions représentatives du personnel, avaient négocié des accords de survie temporaire en ce sens. Et c'est généralement le cas. Dans le cadre d'une fusion-acquisition, le traité de fusion, ou bien des accords annexes, prévoit ce qu'il advient du comité social et économique de la société absorbée et à quel moment il disparaît. Donc, il faut se reporter au traité de fusion ou à ses accords annexes pour déterminer à quel moment la transmission universelle du patrimoine du comité social et économique de la société absorbée intervient, ce qui ne coïncide pas nécessairement avec la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée. Il n'y a donc pas d'effet mécanique de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée sur la transmission universelle du patrimoine du comité social et économique de la société absorbée qui aboutirait à ce qu'elle se produise exactement au même moment. Au contraire, la liberté contractuelle permet de différer la transmission universelle du patrimoine du comité social et économique de la société absorbée par rapport à celle de la société absorbée. Cette efficacité de la volonté et de la liberté contractuelle transparaît dans les dispositions législatives sur ce point, même s'il faut admettre qu'elles sont encore parcellaires. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que le régime juridique du comité social et économique emprunte pour une large part à celui des associations de la loi de 1901. Et il est éclairant de comparer les dispositions de cette loi de 1901 avec celles du Code du travail. Pour les associations, la loi de 1901 nous indique « En cas de dissolution, les biens de l'association seront dévolus conformément au statut ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en Assemblée générale. » Sur le fondement de ce texte, et avant même que la loi ne reconnaisse la fusion des associations, la Cour de cassation, dans la jurisprudence que nous avons analysée au début de cette vidéo, admettait que les associations pouvaient fusionner et organiser la transmission universelle de leur patrimoine par des délibérations de leur Assemblée générale. Depuis 2014, la loi de 1901 prévoit la fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leur statut pour leur dissolution. La loi prévoit donc que la fusion et la transmission universelle du patrimoine des associations est librement décidée par les délibérations de leurs assemblées générales. Pour le comité social et économique, le Code du travail prévoit, en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins. La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit d'un autre comité social et économique, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises. Le Code du travail reconnaît ainsi également au comité social et économique le soin de décider par lui-même la transmission universelle de son patrimoine. Simplement, cette transmission universelle du patrimoine ne peut s'opérer qu'au profit d'un autre comité d'entreprise. Et dans le cas d'une fusion-absorption, qui opère transfert des contrats de travail à la société absorbante en application de l'article 1224.1, cette dévolution ne peut s'opérer qu'au profit du comité social et économique de la société absorbante. Mais cette transmission universelle est librement décidée par le comité social et économique. En conclusion, quelles sont les réponses que l'on peut apporter aux questions que nous nous étions initialement posées? La première question était : le comité social et économique continue-t-il d'exister après la fusion-absorption? Au contraire, est-ce qu'il disparaît automatiquement comme le corollaire, la conséquence nécessairement déduite de la fusion-absorption? À cette question, on peut répondre, sans être absolument catégorique, que le comité social et économique de la société absorbée disparaît comme la société absorbée en raison de l'interdépendance de ces deux personnes morales. Et, pour la première fois peut-être, on voit apparaître en droit des sociétés le concept d'interdépendance des personnes morales qui est l'équivalent de l'interdépendance des contrats en droit des obligations. La deuxième question était : qu'advient-il du patrimoine du comité social et économique de la société absorbée ? Existe-t-il une transmission universelle du patrimoine du comité social et économique de la société absorbée au profit du comité social et économique de la société absorbante? À cette question, on peut également répondre, sans être absolument catégorique non plus, que le patrimoine du comité social et économique de la société absorbée est universellement transmis au comité social et économique de la société absorbante. Mais que cette transmission universelle du patrimoine ne coïncide pas temporellement avec celui de la société absorbée au profit de la société absorbante. La liberté contractuelle permet aux comités sociaux et économiques de la société absorbée et de la société absorbante de décider quand cette transmission universelle intervient, ce qui, en pratique, est généralement prévu par le traité de fusion ou les accords annexes conclus. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous servir de son contenu, comme de celui du site 1 de droit, où vous retrouverez toutes les références de la jurisprudence. Et surtout, n'oubliez pas de regarder le texte sous la vidéo pour connaître les actualisations. Merci encore et à bientôt.